pleure souvent pour les mêmes raisons, mais parfois c'est si différent. Je pleure parce que je n'ai pas de mission, pas d'amour et je me sens pas avoir 20 ans. Je pleure car je vois au-delà des couleurs un instinct qui me permet de sentir d'autres saveurs. Je pleure car personne ne me comprend, personne n'attend, personne n'entend, et si seulement je pouvais pleurer mon orgueil, punir mes pensées aux images de mort, stopper le pansement du cercueil, pouvoir pleurer la folie de mes torts. Mais je pleure, ma petite personne, oubliant la sagesse que j'ai parfois. Et je pars faire mon deuil de moi-même. Je t'avoue que je ne t'aime pas autant que moi. Je te mens quand je te dis que ta vie m'intéresse. Je la compare à la mienne quand tu parles de toi. Ta vie, je m'en fous, crois-moi. Et la mienne, j'irai la crier sur les toits. Ton histoire est en promo quand la mienne vaut des montagnes d'or. Et je gagne lorsque tu m'écoutes, mais toi tu fais la même. Car ma vie ça t'endort, mais je la parsème de mes rêves. De mes rêves, de mes rêves, de mes rêves, de mes rêves. C'est ma vie de rêve illusoire. Que tu t'intéresses à moi, mon histoire. Écoute bien car il y a seulement ça de vrai. On cherche à tout s'accaparer. L'abstrait comme le concret. Ta vie a autant d'importance que la mienne. Comme celle de cette pute qui est la dernière des chiennes. La dernière des putains à hériter du droit de vie comme les milliards de corps que la mort a mis en sursis et que la vie a mis en accord. Je te mens quand je te dis que ta vie m'intéresse. Je la compare à la mienne quand tu parles de toi. Ta vie, je m'en fous, crois-moi. Et la mienne, j'irai la crier sur les toits. Ton histoire est en promo quand la mienne vaut des montagnes d'or. Et je gagne lorsque tu m'écoutes, mais toi tu fais la même. Car ma vie ça t'endort, mais je la parsème de mes rêves. Je ne pense pas être le meilleur, mais je suis sûr d'être le plus futé. Je crois affiner mes connaissances, et à ma naissance je pense l'avoir affûté. Ma parole est un message qui est tout simplement universel. Je harcèle mes conjoints de ma vie, et dans la leur je rajouterai mon grain de sel. Je sais faire le bien autour de moi, en tout cas c'est ce que je crois. Car je cherche à exprimer mes droits, et à toi j'obligerai mes lois. Tu n'es rien comparé à ma personne, car je sais que je suis le roi des hommes. Et je rêve que tout le monde me connaisse, qu'il croit en moi, car je suis la sagesse. Je te mens quand je te dis que ta vie m'intéresse. Je la compare à la mienne quand tu parles de toi. Ta vie, je m'en fous, crois-moi. Et la mienne, j'irai la crier sur les toits. Ton histoire est en promo quand la mienne vaut des montagnes d'or. Et je gagne lorsque tu m'écoutes, mais toi, tu fais la même. Car ma vie, ça t'endort, mais je la parsème de mes rêves.